Et partant en Yeah. Je t'aime, je t'aime. Je l'entends et je À la fin, il y a beaucoup de noms à la tête de notre famille. Vous pouvez venir à bout du souffle de la vie. À cause de ça, c'est sacré de l'homme. Je sais qu'à tous les hommes, il t'a dit que tu es bien. Ça ne manquera pas d'être avec toi, d'être là, ça va pas venir. Mais quand tu es dit, bien, laisse là, remets là à côté. Quand lui-même a dit, je suis soucié pour moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigué. Parce que peut-être que je suis fatigué, même de la vie. Je ne sais pas venir. Ça fatigue. Ça faut de ça qu'elle a la vie féminine à gauche à droite. Ça faut de ça qu'elle est pardonnée à gauche à droite. Ça faut de ça qu'elle est divorcée à gauche à droite. Les soucis de la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas reposé sur celui qui a la solution à cela. Veille toujours en trouble et en douteur, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour te glisser dans la tête de l'ennemi, où va venir? C'est pas le ministère. Lui, il est venu. Regarde, il est venu. Il est venu. Il sort rien de la parole. C'est pas ça, le ministère. La Bible me dit à mon sommet, il roule comme un voleur, cherchant celui qui va dévorer. C'est parce que c'est un tas de qui vient. Il est bien à chaque état. Dans un cœur, un moment où tu t'oublies d'aimer, tu es un poids mangeable. Il faut que tu perds, tu es distrait de lui, tu es un poids mangeable pour lui. Il est bien à chaque état. Donc il revoit de lui, il est là, il cherche les failles, comment il va présenter lui, tout le monde, il détruit, il cherche, il est là, il observe. Il déteste, il guette. Imaginons une émission sur le vide. Imaginons une émission se laisse emporter. Regardez ce que c'est que ça peut être fatal. Il veut que nous puissions être assujettis au pays afin qu'il puisse s'agréer à la paix. Et pour nous, nous avons besoin de laisser cette conscience. La vie. Pour nous, nous avons besoin de sa volonté. Combien de fois que nous avons ouvert cette conscience et que nous avons ouvert cette conscience. Donc on va se lever, on va se lever. C'est le moment de lever. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Les temps sont mauvais. Pour le moment de lever, on va prier pour ces désaccords, bien la répandre, bien la parole. Chacun pour sa part, nous connaissons nos actions, ce que nous faisons. La chose que nous avons accrochée à nous qui ne peut pas nous laisser jouir, ni se parler dans la parole du Seigneur, dans sa volonté, dans la vie, en portant sa parole. La Bible dit là, je ne dis pas que c'est mieux pour vous, mais je dis là. Comme le bonheur de la maison, quand vous êtes en compte. Nous avons pu manifester le pays, mais nous avons encore vu le faire des mauvais. Père, pour cela, fais-le voir au Dieu. Nous sommes attachés, mais fais-le voir au Dieu à la main. Nous sommes nous rendre compte de vous. Pour cela, fais-le voir au Dieu. Nous sommes sur le ciel, pour faire un peu. Un peu de paix. Comme ça, fais-le voir au Dieu. Nous avons négligé de le faire. Quand nous avons la capacité de le faire, c'est le Seigneur. Qu'on a encore fait le voir au Dieu. mission for the good for the people, and the capital of the city, the head of the spend of the point to the nous sommes pas au plan de Dieu, nous sommes au Dieu à l'exemple de Jésus, qui est pour les faits. Nous l'avons au bout d'un peu comme la fouille, lui c'est qui est conçu, qui est au Dieu. Nous regardons comme on voit tous les intérêts, les choses qui sont au Dieu, tu connais les faits, tu connais les faits, tu connais les Combien de fois, Père de gloire, oh Dieu, nous sortons le matin, nous rendons le soir, Père de gloire, oh Dieu, et nous avons la parole, même Père de gloire, tu te rends grâce. Combien de fois, Seigneur Jésus de Nazareth, oh Dieu, Père, pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, nos iniquités sont grandes devant ta face, Seigneur Jésus de Nazareth, pardonne-nous, combien de fois, Seigneur, oh Dieu, nous avons négligé, combien de fois, Seigneur, nous avons bafoué ta parole, Père de gloire, combien de fois, oh Dieu, combien de fois, Père de gloire, oh Dieu, nous avons renoncé à toi, Père de gloire, oh Dieu. Combien de fois, Père, nous avons marché dans le gosse et dans l'orgueil, Seigneur Jésus. Combien de fois, Père, nous avons insulté, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Comme ta parole dit, Père, quoi, ton nom est blasphémé parmi le monde, Père, quoi, à cause de nous, Seigneur Jésus. Combien de fois nous l'avons fait, oh Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Ouvrons la bouche, prions pour le pays. Priez que Dieu souffle, qu'il souffle sur ce pays et qu'il nettoie le cœur de tous ceux qui sont manipulés et attristés. Que Dieu souffle sur le cœur, depuis les dirigeants jusqu'à la plus basse couche de la population. Que Dieu souffle dans leur cœur pour enlever de leur vie toute frustration, de leur cœur toute haine, afin qu'on ne puisse pas les manipuler. Prions, prions pour notre pays. Père, souffle sur ce pays, souffle sur cette nation. Père, souffle sur cette nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Souffle, ô Dieu de gloire, souffle dans les forêts, pour tous ceux-là, ô Dieu de gloire, qui manipulent les temps dans les pays étrangers. Souffle sur cette nation, souffle sur le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, souffle. Et ôte, ô Dieu de gloire, toute puissance de manipulation dans le cœur. Empêche-les d'entendre à ses voix, Père de gloire, des dissensions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, ô Dieu de gloire, pour les dirigeants de cette nation. Nous prions pour toute personne, ô Dieu de gloire, élevée en dignité et en autorité dans cette nation que tu as élevée. Prions, ô Dieu de gloire, que tu leur donnes de faire exactement ce que tu veux. Amène leur conscience à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous allez bien? Non, mais c'est quand même curieux. Vous ne me donnez pas le désir même de venir ici. On vous parle, vous avez les bouches, vous avez scotché. Vous allez bien? Amen. Si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien, on prie pour vous. Vous n'allez bien, vous allez. Quels sont ceux qui ne vont pas bien? C'est quoi? Ton mari t'a dérangé encore? Ton mari arrive. C'est le Seigneur Jésus qui va le rencontrer, pas lui. C'est ton mari arrive. Hein, la soeur Marlise. Sortons les Bibles, on va travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il y a une soeur qui m'a contacté ici, disant que il y a un travail pour les frères qui ont le niveau probatoire. Avec un permis catégorie A dans le tricycle, qui s'est conduit le tricycle. Donc, si vous avez le profil, vous me voyez après, il vous donne son numéro, vous la contactez. D'accord, frère? Oui. Mmh. Ouf. Veuillez vous saluer alors les uns les autres. Veuillez vous saluer. Ça va? Ça va maintenant bien? Bien. Quand je pose la question, vous ne répondez pas, c'est parce que vous avez faim, c'est le jeûne là toujours. Ou bien vous prenez de l'eau, si c'est possible, servez de l'eau au frère. Comme ça. Servez de l'eau au frère et boire. Quoi que là, ils vont bien se sentir. C'est les enfants du Seigneur, il ne faut pas que quelqu'un tombe ici là. Vous dites qu'il a besoin de délivrance. Cameroun. Bon, y a-t-il des questions? Le temps qu'on vous serve de l'eau, y a-t-il des questions? Vous avez des questions? Posez. Si vous avez des questions, vous posez. Le temps qu'on vous serve de l'eau, je ne sais pas si le Seigneur souhaiterait que ce soit nous parlions encore de mariage ou bien on continue dans la cinquième partie de Oui, mon frère. Maintenant, je vais me demander de l'entendre dans l'Ézéchiel. Je voudrais comprendre le verset 5 de l'Ézéchiel. C'est plus ce qu'il dit. Je voudrais savoir comment comprendre le verset 5 de l'Ézéchiel, chapitre 20, et le verset 4 de l'Ézéchiel. Donc, le Seigneur dit que. C'est la question que je vous avais posée, d'aller réfléchir, d'aller dans ces mots, je crois bien. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas, frère? Tu n'as pas construit l'enseignement. Donc, j'ai dit ça ici, pas vrai? J'ai dit ça ici, n'est-ce pas? J'ai dit ça ici, n'est-ce pas? Oui, ok, maintenant, de façon officielle, donc, comme vous êtes là maintenant, j'ai dit cela. Donc, allez chercher, donc, vous essayez de comprendre les deux là. Parce que dans Ézéchiel chapitre 18. Il dit qu'il ne punit pas le père, l'iniquité des enfants sur le père. N'est-ce pas? Et, enfin, j'ai donné mes explications dans un enseignement. Écoutez, ça se trouve dans un enseignement. Mais si vous n'avez pas, j'ai donné la question dans un enseignement, j'ai donné l'explication dans un autre enseignement. Écoutez, autre question? Si vous n'avez pas de question, j'ouvre la Bible. Ou bien je commence par vous donner des passages. Peut-être que ça va venir. Si je commence à parler, vous ne me poserez plus de questions, à moins que ça soit dans le sujet qu'on est en train de voir. Je dis, quand je dis, y a-t-il des questions, ça se pose que vous êtes libre de poser toutes les questions qu'il y a. Si je commence donc à parler déjà d'un sujet, vous poserez des questions dans ce sujet-là. Y a-t-il des questions? Normalement, vous ne devez pas réfléchir sur votre question ici. Normalement, vous méditez dans la parole avant de venir ici. Donc, en venant, vous devrez avoir déjà votre question. Si vous n'avez pas de questions, j'ouvre ma bouche donc. Une dernière fois, y a-t-il des questions? Ça ne concerne pas directement les versets, mais ça concerne toute la vie chrétienne. La question est la suivante. On peut faire le bien, il faut faire le bien avec les frères, surtout avec les frères. C'est écrit aux frères. Premièrement, c'est écrit pour ce que tu dis. On vous a posé une question. C'est à lui que je pose la question. Il a dit que sa question ne concerne pas la Bible. Oui, donc il esquivait ça. Il savait que c'est écrit dans la Bible, mais il ne savait pas où. Mais il disait, ok, dans la vie, c'est comme ça. Il pose ta question, frère. Mais je voudrais dire que, étant donné que le Seigneur dit ceci, que si. Pose, parle pour que la soeur qui est la puisse entendre. Le Seigneur dit que si quelqu'un. Aime son père ou sa mère plus que lui, oui. Il n'est pas digne de lui. Oui. Maintenant, étant dans le corps, nous formons une famille en Christ. Oui. Maintenant, si la maman d'un chrétien, un véritable chrétien, n'est pas croyante, et qu'elle a un souci, et que son frère en Christ présente également le même souci, est-ce que si en s'occupant d'abord de la maman, le frère va à l'encontre de la parole du Seigneur selon laquelle il dit qu'on doit d'abord faire les réunions. Si tu es dans ces cas-là, tu vas dans la direction où le Saint-Esprit te guide. D'accord, frère? Quand si tu vas dans la direction où le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit ne péchera pas contre lui-même. Autre question? Oui, frère. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. J'attends des questions. Vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Comment comprendre ce passage d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 16? Ne sois pas jaloux. À l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? À qui ça s'adresse d'abord? Ecclésiaste. Oui, à qui ça s'adresse quand on dit là? Relis encore. Ecclésiaste chapitre 7, verset. Lis. Ne sois pas juste à l'excès. Mm-hmm. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruis-tu? Je ne sais pas s'il y a une personne à qui ça s'adresse. Tu dois répondre à cette question. À qui est-ce que ça s'arrête? Salomon s'adresse à qui? On ne va pas à qui ça s'adresse. Relis encore. La réponse se trouve dans la phrase que tu lis. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. À qui est-ce qu'on en est adressé? À toi. Moi qui suis en train de lire. Dans ce cas, dis-nous ce qu'il en était dit. Je pose la question parce qu'elle veut mieux comprendre. Donc, il était à parler, tu n'as pas entendu. Tu as compris ce qu'il a dit. Même toi, tu n'as pas compris. Et c'est à toi qui s'est adressé. C'est à lui, non? À moi aussi. À toi aussi. Et comment, quand toi, tu lis, tu comprends quoi, frère? Nous avons posé la question ensemble. Qui d'autre? Ça s'adresse aussi à qui ici? Moi, je pense qu'il est en train de. Étant donné qu'il faisait ce qu'il fait pour exhorter, bref, pour faire comprendre aux hommes, pour faire comprendre un certain nombre de choses aux hommes. Je pense qu'il s'adresse aux chrétiens de la vie. Comme toi, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ça dit donc? Il dit que ça s'adresse aux hommes. Comme toi, par exemple. Tu es un homme, c'est un chrétien. Tu es parmi, pas vrai? Qu'est-ce que ça dit? Je vous pose une question maintenant. Je vous pose la question, vous me répondez. Les questions que je vais poser maintenant, c'est soit la réponse est soit oui, soit non, d'accord? À l'heure où je me tiens devant vous maintenant, y a-t-il des justes sur la terre? Oui. Ok. À l'heure où je me pose, je me tiens maintenant, est-ce que je dois répondre aux insensés selon sa folie? Non. Est-ce que je peux répondre à l'insensé selon sa folie? Non. Pourquoi? Est-ce que tu peux, si tu peux? Je peux lui répondre. Si, je peux le faire. Oui. Je dois le faire. Non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas insensé. Est-ce que je suis un insensé? Il dit, est-ce que je peux répondre à un insensé selon sa folie? C'est que ça n'est déposé là comme question. Vous avez lu ça dans votre Bible. Oui. Qu'est-ce que ce verset a dit? En reprenant l'insensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit, répond à l'insensé selon sa folie. Ok, lis-nous cela. Ah mon Dieu, vous allez lire votre Bible. Donc, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Je sais pourquoi il a pris ces passages-ci. Il dit, ne réponds pas à des peurs d'être comme lui-même. Ok. Il y a cela une année, vous avez trouvé ça dans le livre des Proverbes, pas vrai? J'attends donc que vous trouviez maintenant. Le frère s'est dit qu'il n'est pas sur votre jeu, il est resté dans l'église. Que cherchez ce que vous cherchez. Quand vous allez trouver, donnez-nous la page. D'autres ont appris leur stylo. Et c'est ce qu'ils l'ouvrent pour noter. Je ne vous donnerai pas le passage. Vous n'avez pas. Je continue seulement à dire ce qu'il a dit. Quand vous allez trouver, vous me dites. Pardon? Comment, madame? Come this way. Come and sit this way so that you understand better. Viens, quitte ici, mon cher. Assieds-toi de l'autre côté comme ça, assieds ici. Qui t'a demandé? Since the discussion that are you hearing what they are saying? You don't hear understand at all the in English. No, I'm hearing French, but the only thing is that you're just speaking very slow. Okay, that's why I just keep myself telling them to speak louder so that people who are there should understand. I'm just keeping talking. They don't speak louder. I don't know what is happening with them. Maybe as you are here, you'll be understanding. You'll be listening. Okay. When you don't listen to what they are saying there, you should say, I'm not listening to what you are saying, so that you should speak louder. When they will be eating here, they will start speaking louder. Alors, qu'est-ce que ça dit là, le proverbe? Jimmy, tu as vu? À haute voix. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Oui. Je peux que tu ne lui ressembles. Donc la Bible dit que je ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, je peux de lui ressembler. C'est ça? Donc si je réponds à l'insensé selon sa folie, je vais lui ressembler, oui ou non? Oui. Le verset suivant dit quoi? Bon, je réponds donc à l'essentiel selon sa folie, puis je ne réponds pas. Non, répondez-moi à la question. La question que j'ai posée, c'est de le départ. Je sais pourquoi je vous ai amené dans ce passage. Il dit, je réponds à l'insensé selon sa folie. Vous avez dit non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je peux dire l'assemblée. Le verset d'après dit quoi? Bon, finalement, je réponds ou je ne réponds pas. Bon, quel est le circonstance où je vais répondre à un insensé? Avez-vous des passages? Proverbes chapitre 26, verset. Proverbes, we just asking, answer your question. Donnez-lui le verset, le premier verset. Ecclésiaste 26, verset 4 and 5. Celui-là, l'Ecclésiaste, non. Lis-nous le premier verset encore. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Donc, s'il répond à l'insensé selon sa folie, je vais faire comment? Ressemble. La question c'est, on dit à qui là-bas? À qui est-ce qu'on s'adresse ici? Celui qui recherche la sagesse. Bon, le verset suivant dit quoi? Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc finalement, je réponds à l'insensé ou bien je ne réponds pas à l'homme. C'est pas le discernement qu'on peut répondre en fonction des cas. Ok. Vous aurez toujours à avoir ce style de problème dans la Bible. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que, si mes tiens et si mes naïs, est-ce qu'il y a des gens qui sont justes sur la terre? Vous avez dit quoi? Oui. Sur quelle base? Où quelqu'un lève la main et nous dit comment il dit qu'il y a des gens justes sur la terre? Romains chapitre 3, verset 26 dit quoi? Romains chapitre 3, le verset 26, ça dit quoi? Notez, Lévitique chapitre 5, notez Lévitique chapitre 5, et quoi, c'est l'une des dernières fois qu'il vous demande de poser des questions ici, donc, comme ça vous aurez votre question, vous allez méditer. Lévitique chapitre 5. Je vais vous donner les passages de Nombre chapitre 5. Notez rapidement avant qu'on entre là-dedans. Nombre le chapitre 5. Et je vais avancer. Si vous êtes en retard, je n'y reviens plus. Je dis, je suis en avancer, notez, parce qu'on va y arriver maintenant. Il va parler. Et c'est sur moi là maintenant. La pression est sur moi. Lévitique chapitre 5. Nombre chapitre 5. Vous y êtes. Hébreux chapitre 6. Vous êtes à Hébreux chapitre 6. Tel que ça vient, je vous donnerai. Jacques chapitre 5. Merci, Père. Jacques, le chapitre 5. On viendra sur les versets tout à l'heure. Vous êtes avec moi? Ézéchiel chapitre 17. Ézéchiel chapitre 17. Osée chapitre 10. Osée chapitre 10. Josué, chapitre 2. Première Chronique, chapitre 6. Première Chronique, chapitre 6, vous avez noté? Première Samuel, chapitre 24, chapitre 14. 1 Samuel. C'est bon? Genèse chapitre 17. Chapitre 22. Chapitre 26. Oh, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Un Corinthiens chapitre 7. La dernière fois, je vous ai donné Josué chapitre 9, n'est-ce pas? Dans la quatrième partie concernant l'enseignement, que nous sommes en train de travailler là-dessus, sur le mariage, dans la quatrième partie, on a achevé avec la notion du serment de l'alliance. C'est pas ça? C'est ce que nous avons fait. Et il dit qu'on va développer cela dans la cinquième partie. Puisse Dieu ajouter maintenant la bénédiction à la lecture de sa parole. Et puisse nous conduire maintenant. Alors dans la première partie donc, de cet enseignement, nous avons commencé à définir ce que c'est que le mariage. Dans la première partie, nous avons lu Genèse chapitre 2 et nous avons vu effectivement quelle était la volonté de Dieu. Comment Dieu a instauré le mariage. Nous avons vu que Dieu a fait sortir la femme de l'homme. De la côte qu'il avait pris, il a fait refermer l'endroit à sa place. Et donc c'est Dieu qui a voulu instituer le mariage. Et nous avons compris avec tous les autres restes des écritures que le mariage donc, est la première des institutions de Dieu. Mais quel est le problème aujourd'hui? Beaucoup de problèmes se trouvent en milieu chrétien, non seulement en milieu chrétien, mais dans tout le monde entier. La société est détruite comme ça parce que le foyer est déstabilisé. Parce que toute société, enfin, la société n'est que le reflet de ce qui est des petites maisons. C'est l'ensemble que forme la société. Alors, les chrétiens sont bousculés. On trouve aujourd'hui les pasteurs qui divorcent. Au milieu chrétien, des femmes qui ont quitté leur foyer, des hommes qui ont quitté leur foyer. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'institution que Dieu a établie qui est en train d'être challengée. Il y a des pays où on vote les lois sur l'homosexualité. On peut épouser un homme. Et puis encore, c'est au milieu chrétien aujourd'hui, parce qu'un pasteur a épousé un autre pasteur avec la soutane. Des gens ont fait des conclaves, ils sont réunis en votant, en levant la main. Comme maintenant, est-ce que nous acceptons le mariage homosexuel? Les pasteurs lèvent la main, les fidèles lèvent la main et disent nous sommes pour. C'est-à-dire que le pasteur va prendre cette Bible-ci où Dieu a dit c'est une abomination pour un homme de coucher avec un homme, pour une femme de coucher avec une femme, et porter la Bible devant cette personne-ci, aller plutôt dans 1 Jean, dire que Dieu est amour. Lis cet aspect-là et laissez ce que Dieu dit. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Et les pasteurs célèbrent dans le mariage avec les hommes, et eux-mêmes, ils sont homosexuels. Des femmes avec les femmes. Puis encore, il y a des hommes, en Californie, il y a une loi des gens qui se marient avec leur. Il y a un monsieur qui a épousé son chien, sa chienne. Jusqu'à ce qu'ils soient allés à lune de miel dans un autre état, parce que dans cet état-là, on ne permettait pas le rapport sexuel. Il allait lui-même louer l'hôtel avec sa chienne. Vous suivez de telles choses passer dans l'actualité, les frissons vous passent le corps, vous regardez la Bible, Jésus dit, ce qui est autour du temps de l'autre viendra. Donc ça veut dire que les caractéristiques, les esprits qui manipulaient cette époque-là seront là encore en ce moment-ci. Et ils sont là. Et ça va aller croissant. C'est l'heure des puissances, des ténèbres que nous sommes dérégnés sur la voie sur la terre. Et plus l'obscurité va arriver, plus on sera oppressé, plus la sainteté sera challengée. La marche dans la sainteté sera challengée. C'est pour ça qu'on a partout les publicités, n'importe quoi, tourne autour du sexe. N'importe quoi. Tourne autour du sexe. Donc en réalité, c'est le mariage qui est l'institution de Dieu. La première des institutions de Dieu qui est challengée ainsi. Quand c'est challengé ainsi, il faut donc qu'on revienne à la base. Donc quand le mariage est challengé de cette façon-ci, est chamboulé au point où on ne connaît pas comment se marier, qui est marié, quand est-ce qu'on est considéré comme marié, il est temps qu'on se pose de bonnes questions. D'accord, frère? Amen. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais vous donner le livre de Matthieu, chapitre 19. On va y revenir en plein lorsque nous allons toucher le cas des divorces. Parce que dans le cas des divorces, on va traiter ça doucement, minutieusement, en examinant toute l'écriture pour voir quelle est la pensée de Dieu derrière le divorce. Pour quelqu'un qui est divorcé, qu'est-ce qu'il doit faire pour être en règle devant le Seigneur? Parce que souvenez-vous, si vous challengez la loi de Dieu, vous ne pourrez pas vous en sortir devant le trône. Si vous challengez la loi de Dieu, vous ne pourrez pas vous en sortir devant le trône. La seule chose à faire, c'est se repentir sur la terre, s'y réparer, s'il faut réparer. Si vous mourrez dans cette façon, on va voir le divorce. On va voir le cadre des divorces. Nous sommes en train de voir le mariage pour restaurer certaines choses. Donc, dans ce Matthieu, chapitre 19, le verset 8, le Seigneur Jésus a dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Les gens sont venus lui poser la question. Pourquoi donc Moïse a-t-il permis à l'homme de répudier sa femme? Il laisse l'aspect répudiation. Il suit la réponse du Seigneur Jésus. Jésus a dit, Moïse vous l'a permis à cause de la dureté de votre cœur. C'est l'aspect, je vais revenir sur ça. C'est, il n'en était pas ainsi au commencement. Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, ça veut dire qu'au début, le divorce n'est pas permis. Vous voyez ça, frère? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut indiquer par au commencement? Ça veut dire que quand n'importe quoi est arrivé, n'importe quoi ça arrive, il faut regarder au commencement. Dans Matthieu chapitre 13, si vous lisez votre livre dans le verset, du verset 24 à 30, à 36, ou bien dans cette portion-là, chapitre 13 de Matthieu, du verset 24 à 36, vous allez remarquer qu'au verset 34, 35 et 36, le Seigneur Jésus-Christ dit, enfin, la Bible déclare que Jésus leur parlait toutes ces choses en parabole et il ne leur parlait pas point sans parabole afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète. Ce qu'on cite là maintenant, ça se trouve dans le psaume 18, psaume 78, le verset 2. C'est le prophète Asaph qui a dit cela. Il dit, voici ce qu'a dit le prophète, j'ouvrirai ma bouche par des sentences et j'ai publié des choses cachées depuis la création. N'est-ce pas, frère? Puis dans ces paraboles de l'ivraie des champs et de la bonne sémence, il explique que un homme a semé de la bonne sémence dans son champ et pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu semer l'ivraie. Et dans son explication, le Seigneur dit que le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Celui qui l'a semé, donc son ennemi, c'est le diable. Donc, le Seigneur Jésus-Christ vient de nous ouvrir la bouche pour nous dire qu'au départ, lorsqu'il a créé les choses parfaites, quelque chose s'est passé et il y a eu intrusion dans le camp des saints. Donc, au commencement, après son commencement à lui, il y a eu un commencement du désordre. Après son commencement à lui, il y a eu un commencement du désordre. C'est donc ce commencement du désordre donc, qui se répercute comme ça. Si l'homme et la femme étaient restés à l'état que Dieu les avait créés, on n'aurait pas ce problème aussi aujourd'hui. Juste parce qu'on a besoin de poser la question si on est juste ou pas. Alors le mariage, donc, à cette ainsi que nous voyons, si le Seigneur Jésus a dit, dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 et 20, où l'apôtre Pierre lui dit, repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part de Dieu, et qu'il vous envoie celui qui vous est destiné. Parce qu'il va rester au ciel jusqu'au temps des rétablissements de toutes choses. Donc ça veut dire que tout ce qui a été détrôné ou bien bousculé dans la doctrine de Dieu sera restauré. La Bible dit, ouvrez cela et vérifiez. La Bible dit qu'il va rester au ciel jusqu'au temps des rétablissements de toutes choses. Donc on va rétablir sa doctrine telle que cela a donné. Et il va maintenant venir mettre les choses en ordre, jusqu'au temps de rétablissement, toujours. Quand il va se lever maintenant, il dit, ok, maintenant, comme selon ce que Apocalypse chapitre 11, le verset 15 à 16 le disent, quand il va se lever, la trompette va sonner, il va prendre possession du royaume. Là, on n'aura plus à souffrir comme ça chaque jour avec la chaleur et toute autre chose. Vous avez vu ça, frère? Alors, le mariage est l'une des pièces d'achoppement chez les hommes aujourd'hui. Le mariage, le problème du mariage, et le mariage, en gros, grosso modo, est un caillou au pied des prédicateurs aujourd'hui. C'est le caillou dans les chaussures. Chacun marche dans le mariage. Alors, on célèbre le mariage d'une façon, d'autres célèbrent d'une autre façon, d'autres célèbrent d'une autre façon. On se pose donc la question, comment, qui est-ce qui est considéré comme marié? La question doit être répondue. Et dans la deuxième partie, nous sommes arrivés au niveau deuxième partie de l'enseignement. Nous avons touché pour glisser sur les questionnements concernant la dot. Certaines personnes disent que si vous n'êtes pas doté, marié à l'église, puis vous appelez à la mairie, vous n'êtes pas marié. Et nous sommes allés dans la Bible, nous avons vu que ça n'a rien à voir. La question c'est, où est-ce qu'on est allé hériter tout cela? Alors, cette chose-ci, je vais vous le dire maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, le simple fait, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans, vérifiez, suivez cet enfant-là. Le simple fait qu'on touche le mariage, et que vous voyez que traditionnellement, ce qu'on a admis n'est pas ce que la Bible enseigne, vous devez faire attention désormais à ce que vous entendez. Traditionnellement, par exemple, on sait que pour que quelqu'un soit baptisé, il faut qu'il passe par le catéchèse. Il faut qu'il fasse le catéchèse. Après 3 années, peut-être quoi, on baptise cette personne-là. Vous allez dans la Bible, vous ne voyez pas de telles choses. Vous allez dans les différentes religions, on dit que chez nous, ici, nous baptisons chaque jeudi. D'autres disent que nous baptisons chaque fin du mois. On regroupe tout le monde, on peut baptiser. En venant apporter vos habits blancs. Après cela, pour d'autres, on baptise à la Pâque. D'autres baptisent en décembre. D'autres baptisent le 25 décembre parce qu'il est content en disant que je suis baptisé le jour où Jésus est né. Pour un jour être surpris que je ne connais pas le 25 décembre. Vous voyez là où le Seigneur, parce qu'on a admis beaucoup de traditions. L'être humain qui réfléchit doit prendre n'importe quoi, notre essai. Examiner avec la Bible, c'est-à-dire que passer ça au filtre de la Bible. Si la Bible rejette, rejeter. Si la Bible admet, conclut par Amen. Amen. Voilà. Alors c'est ce que nous faisons. D'accord, frère? Il faut examiner toutes choses. Quelqu'un dit toutes choses. Toutes choses. Mmh. Donc c'est à la lumière des Écritures, parce que la Bible déclare dans ces 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Donc si c'est destiné à corriger, vous pouvez avoir fait l'erreur, l'Écriture vous corrige. Donc si c'est l'Écriture qui est censée corriger, c'est parce que n'importe quoi que nous faisons en parole ou en action, c'est selon les Écritures qu'on doit voir si c'est aligné. D'accord, frère? Colossiens chapitre 3, verset 16 à 17, dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en... Mais c'est quand même terrible. En parole ou en œuvre. Donc je vais te parler, que je parle comme déclarant les oracles de Dieu. Pas vrai? Amen. Il dit en œuvre, je vais faire quelque chose. La question que je dois poser, c'est, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Si ce n'est pas ça, sinon vous allez vous tenir un jour en jugement devant le Seigneur. Si Dieu a considéré quelque chose comme péché, ne minimisez pas. Parce que c'est son standard, le souvenez-vous, le standard de l'enseignement, les deux parties que nous avons fait ici, le standard peut être enlevé. Le standard, ce n'est pas à notre niveau, ce n'est pas toi qui dois juger que non, ceci n'est pas grave. C'est ce que Dieu a déclaré, parce que la Bible déclare que toute Écriture est éprouvée. Ce n'est pas ça, frère. Amen. Et la Bible déclare dans Proverbes chapitre 30, le verset 5 à 6, il dit, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne. Donc, ça veut dire que si tu ajoutes quelque chose déjà, il va te... Et que tu ne sois trouvé, élémentaires seront trouvés aux frères. Alors, si tu ajoutes à la parole de Dieu, tu es un. Et par conséquent, tu te retrouveras. Donc, fais attention. Le Seigneur Jésus a dit, il ne sera pas ôté un seul iota. Iota. Ça veut dire qu'un seul trait de lettre sur cette écriture-ci. Donc, on n'y ajoute pas, on ne retranche pas. Si l'écriture a dit, dites de la façon que l'écriture a dit. Si l'écriture n'a pas dit, ne dites pas. Si vous ne connaissez pas, taisez-vous. C'est pour ça que l'écriture a interdit à beaucoup de personnes de se mettre à enseigner. Parce que vous pouvez commencer à enseigner, vous trouvez des choses que vous dites que ce soit logique. Mais pourtant, vous en êtes dans un enfer avec les gens. Il a donc dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc si la personne qui est en train d'enseigner ce livre lui-même, il est en train de la voie de la perdition, par conséquent, il vous enseignera sur la voie de la perdition. C'est pour cela que vous devez faire comme les chrétiens de Bérée, dans Actes chapitre 17, verset 11, examiner chaque fois pour voir si ce qu'on vous enseigne est conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, mettez cela de côté, même si c'est n'importe qui vous dit cela. Vous suivez ça, frère? Même si c'est n'importe qui vous dit cela. Alors, puisque nous sommes dans le cadre du mariage, l'une des choses donc, qui nous concernait, donc, c'était dans la deuxième partie et la troisième partie, nous avons vu donc que, allant dans la Bible, ce qu'on appelle d'autres n'est pas ce que les gens font sur le terrain. Alors, on se pose donc, la question, où est-ce que c'est venu? Ça se trouve donc dans les traditions. Et nous avons développé en montrant que les gens confondent le mariage à la célébration. Et je crois, j'ai pris deux personnes ici, deux tribus différentes ici, et j'ai montré que si ici, dans cette tribu, de ceux qui sont du centre, on te demande l'huile, on te demande le rat, on te demande la poule. Alors que dans une autre tribu, on demande plutôt la chèvre et le porc. Si vous donnez cela, vous deux, vous êtes mariés, il y a un problème. Parce que la Bible a une même loi pour tout le monde. C'est-à-dire que si c'est le porc qu'on doit demander pour la dot, ça doit être le porc pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas une loi ici pour les Juifs, une loi pour les Grecs, une loi pour les Camerounais, une loi pour les Français. Quand il dit « Recherchez la paix et la sanctification sur laquelle l'univers au Seigneur », il vient de dire « Paix ». Si tu n'es pas saint, tu ne verras pas le Seigneur. Pas vrai? Quand il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il n'est pas dit la catégorie des personnes qui ont le cœur pur au nord, au sud, où vous pouvez avoir le cœur impur, vous entrez. Non. Ça veut dire que c'est la même loi pour tout le monde. Amen. Amen. Alors, Dieu a donné sa loi, comme il a dit dans ses proverbes, dans ses psaumes, chapitre 119, verset 4, qu'il a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. C'est ça, frère? Amen. Alors, ces ordonnances doivent être observées telles quelles. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Dans Deutéronome chapitre 4, il avait dit clairement, après avoir dit le chemin Israël, il a dit l'Éternel, votre Dieu, est un seul éternel. Et alors donc, veillez à observer ces paroles sans rien y ajouter. C'est ça, frère. Apocalypse chapitre 22, verset 18 et 19, il dit que je le déclare à quiconque entend les paroles de ce livre de prophétie. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre-ci. Vous voyez ce qu'on en est. Donc, si quelqu'un ne connaît pas, si vous ne connaissez pas, ne dites rien. Si on pose la question sur le mariage, vous ne connaissez pas, dites, je ne connais pas. Prie devant le Seigneur que Dieu te répond. Ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une force que de ne pas te noyer et noyer quelqu'un. Vous voyez cela, frère? C'est-à-dire que je ne connais pas tes choses, je ne te dis pas ce que je ne connais pas parce que de peur de t'entraîner dans le faux, dans la fausseté. Me suivez, frère? Amen. Alors, nous avons conclu, et en voyant dans la Bible que la dot que les gens prennent aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Et dans la troisième partie, donc, je vous ai titillé là-bas en laissant quelque chose. Nous avons vu que là où la Bible parle, dans la deuxième partie, nous avons vu que là où la Bible parle des dots, c'est uniquement lorsqu'on en a parlé des vierges. Nous avons vu cela dans le livre d'Exode chapitre 22, de verset 16 et 17, et puis Deutéronome chapitre 22, de verset 13 à 22. Nous avons lu cela. Nous avons lu le livre de Genèse chapitre 34, le verset 12, où la première mention, y est fait mention de cet ordre-là où le fils d'Amon, Sichem, avait violé Dinah. N'est-ce pas, frère? Amen. Et dans la troisième partie, donc, nous avons défini cela de fond en comble. Nous sommes entrés là-dedans. Et la conclusion du chapitre de la troisième partie est claire. La dot est uniquement destinée pour les vierges qu'on a déshonorées. Donc, pour que quelqu'un prenne la dot, il faut que sa fille ait été vierge et qu'on l'ait déshonorée. La dot, donc, est un signe de réparation pour le tort qu'on a causé à cause de la virginité dont on a obstrué. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible ne demande nulle part qu'on prenne la dot pour une femme. La dot, seule dot que la Bible parle, ce sont les femmes, les jeunes filles qu'on avait déshonorées. C'est-à-dire qu'on a violé cette jeune fille-là. Là, maintenant, on paye la dot. Et nous avons vu la valeur de cette dot-là. N'est-ce pas? Amen. Et on a dit, lorsqu'elles prennent cette dot-là, elles donnent, elles doivent prendre, elles sont obligées. Ces personnes-là sont obligées de prendre cette fille et ne pourra pas la répudier tant qu'elle vivra. Pas vrai? Amen. Et si la jeune fille, le papa de la jeune fille, les parents de la jeune fille refusent de lui donner, ils doivent payer donc la valeur en argent. Donc, impliquant donc que la valeur de la dot n'était pas en argent. Nous avons vu cela, n'est-ce pas, frère? Amen. Voilà. Dans la quatrième partie, c'était consacré particulièrement, je suis en train de faire le briefing pour qu'on avance, pour que vous voyez là, on en est allé. On va prêcher sur le mariage parce que vous ne me poserez plus jamais les questions sur le mariage. D'accord? Que Dieu seulement nous guide pour qu'il nous garde. Alors, la quatrième partie consistait à parler de l'instant exact où l'homme est marié. Et pour cela, nous avons rappelé qu'il ne faut pas confondre le mariage à la célébration. Nous avons vu que ce qu'on célèbre, donc quand vous allez en mairie, vous allez à la mairie pour faire quoi? Pour officialiser le mariage. Donc, si vous dites que je m'en vais officialiser le mariage, ça veut dire que le mariage a déjà eu lieu avant que vous allez officialiser. C'est aussi simple. Si vous dites que la soirée, si c'est la soirée des célébrations, c'est la célébration de quoi? Du mariage. Donc, le mariage a eu lieu et vous allez donc célébrer. Donc, le mariage n'est pas à cette soirée-là. Le mariage n'est pas à la mairie. Le mariage a déjà eu lieu et vous allez célébrer. Et nous avons même vu que, comme c'est la première des institutions de Dieu, ça doit être universel. Dans ces cas, dans toutes ces cacophonies-là que nous avons, tout ce que nous observons tout autour de nous, il faut vérifier et regarder chez les Baméliqués comment ils célèbrent le mariage. Ceci, comment ils célèbrent le mariage. Vous voyez que dans chaque tribu, il y aura des célébrations différentes. Alors la question maintenant c'est, comme il y a les célébrations différentes du même sujet, du même thème, alors en quel moment on se passe dans le mariage? Nous voyons effectivement que la seule chose qui est commune entre toutes les tribus, c'est l'accord. Donc, le mariage, donc, c'est le serment. C'est l'accord entre deux êtres qui s'aiment. C'est ça que la Bible appelle par mariage. Et nous sommes donc rentrés dans le livre de Genèse, chapitre 2, en revérifiant cela. Lorsque Dieu a fait aller Ève et l'amenant vers Adam, la Bible déclare qu'il a fait la femme, il est venu pour voir comment la réaction d'Adam. La Bible déclare que lorsque Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. Quand il a dit ça, ça montrait quoi? L'accord, donc le choix. Et Ève n'a pas répondu, Ève n'a pas régimbé. Parce que si Ève régimbait, Dieu devait dire que, deuxième partie, on amène un autre femme pour voir. Alors, quand il a dit ça, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pour dire que c'est une histoire de deux personnes. L'homme va grandir sous l'autorité de ses parents. Après, il va se soustraire de l'autorité de ses parents lorsqu'il va vouloir fonder sa propre famille. Se soustraire de cette autorité, fait son choix. Et quand il fait son choix, Dieu est là pour surveiller, n'est-ce pas? Et nous avons vu dans Malachie chapitre 2, on va y revenir tout au long, lorsqu'on va voir le cas de divorce, que c'est Dieu qui est l'auteur des signatures du véritable acte de mariage, parce que c'est lui le témoin. Parce qu'on l'appelle dans ce livre de Somme 85, là-bas, qu'il est le témoin qui est dans le ciel, est fidèle. C'est le témoin qui est dans le ciel. Amen. Amen. Alors nous avons conclu dans ce chapitre 4, dans ces parties 4, que le moment, l'instant du mariage, c'est l'instant où il y a accord entre les deux. Nous sommes allés dans le livre de Genèse chapitre 24. Chapitre 26, nous avons vu le mariage d'Abraham, enfin, du fils d'Abraham, Isaac. Nous avons vu comment il a envoyé chercher Rebecca. Et on a vu que lorsqu'on a fait tout ce genre de cérémonies pour empêcher au voyage de réussir, la dernière option était entre les mains de Rebecca. La famille a dit, appelons la jeune fille pour voir son accord. On a dit que iras-tu avec cet homme-ci? Il a dit quoi? J'irai. Sans que Isaac ne soit présent, la femme était déjà mariée à Isaac. Donc, du moment où elle marche depuis la Mésopotamie pour rentrer vers le Mamré, Mais les chaînes de Marie, lorsqu'il en est de marcher comme ça, elle est déjà mariée. De telle enceinte que si un homme la touche, à cet instant-là, il en est de commettre adultère. N'est-ce pas, frère? Et nous avons vu que, avant qu'Abraham n'envoie son serviteur là-bas, il a décidé de façon délibérée d'envoyer le cadeau. Ce n'est pas les parents de Rebecca qui avaient exigé le cadeau qui venait. Donc, ils sont venus avec des cadeaux, avec des présents pour venir donner là-bas. Et il est sorti comme ça, sans qu'on lui exige quoi que ce soit de plus. Pour vous montrer que ce n'est pas la dot, c'était le cadeau qu'il a apporté. Pas vrai? Amen. Dans le cas de Joseph, Jacob, nous avons vu le même système. Joseph va plus tard chez Laban, le même Laban qui est le frère, le grand frère de Rebecca. Il allait dans cette famille, il a choisi Rachel. Puis son père lui pose la question, tu es l'os de mes os, travaillerais-tu pour rien pour moi? Il dit, je vais travailler 7 ans pour ceci. Il a décidé de faire cela en signe de l'amour qu'il avait pour Rachel. Donc ce n'est pas la dot. Pas vrai, frère? Dis encore à ton voisin, la dot, c'est pour les vierges déshonorées. J'essaie de faire tout et tout comme ça pour que vous gardez la Bible sur votre cœur. Parce qu'en réalité, lorsque quelque chose a duré comme étant... Lorsque le mensonge a duré, c'est difficile de se défaire de cela. C'est difficile. Vous voyez, vous ressemblez quelque part à quelqu'un qui a été catholique. En voyant par vous finissez le prix, il a fait signe de croix avant de dire, hey, je suis plus catholique. Parce que sa main avait avait le réflexe que ça descend. Même dans le rêve, il dort, se lève, ça... Au nom du Père en haut, du Fils en bas, du Saint-Esprit, ou Saint-Esprit 3, ou bien 4. Par réflexe, il le fait parce que sa nature avait déjà acquis cela. Il faut donc se défaire de cela. Donc, ces choses ne sont pas faites. Beaucoup de tensions sont en milieu chrétien. Vous voyez, les gens s'asseyent dans les assemblées, on le frustre. On dit que si vous êtes ici, vous n'avez pas fait la dot, vous n'êtes pas marié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'après la pensée de Dieu, vous êtes marié. Amen. Alors, on crée des tensions comme ça. Ce sont les pasteurs qui envoient les démons comme ça dans les foyers pour séparer les foyers. Et Jésus dit dans sa Bible, que personne ne sépare pas ce que le papa a joint. C'est ça, nos frères? Que personne ne sépare pas ce que le papa de la fille a joint. Que personne ne sépare pas ce que les deux familles ont joint. Que personne ne sépare pas ce que le maire a joint. Que personne ne sépare ce que qui? Je veux que vous m'expliquiez. À quel moment Dieu joint dans deux? Ça, c'est le problème. C'est ça qui nous conduit là où on se trouve aujourd'hui. Les gens sont frustrés comme ça. Non. Juste à ce que la personne dit, quand la personne va rencontrer sa femme, elle rentre et dit que ouais, je suis coupable, sans qu'elle commet l'adultère ou bien commet la fornication. Je ne vis pas la sainteté, ce n'est pas ça. Ce que vous considérez, c'est parce que Dieu considère. Ce que Dieu considère, c'est ce qui est aligné avec sa parole. Ils disent que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. La question c'est, quand est-ce que Dieu joint? À quel moment? Lorsqu'il y a accord. Amen. Ça peut être la folie, mais c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Vous ne pourrez pas trouver... Dieu n'a pas donné l'autorité des... C'est quand même... En fait, même en réfléchissant, même logiquement, sans entrer dans les profondeurs des Écritures, vous trouverez ça insensé. Si Dieu a donné l'autorité du mariage au maire, alors tous ceux qui s'y étaient avant le maire, avant que l'existence des maires ne vienne, n'étaient pas mariés. Premier, Abraham. Puisqu'il est le nom du père d'Abraham. Comment il s'appelle? Adam. Parce qu'on pouvait dire que c'était seulement lui. Abraham n'était pas marié, Isaac n'était pas marié, Jacob n'était pas marié, tous les pères n'étaient pas mariés, David y compris. Vous allez dire qu'il n'était pas marié, frère Joseph, en passant, vous allez dire qu'il n'était pas marié. Hein? Donc il y a un problème. Si vous pensez que c'est l'acte que vous mettez vos deux copolios sur ça comme ça, il serait dit que je suis marié, alors que la femme a été regardée, l'homme a été regardée pour dire que chacun a sa destinée. si c'est ça que vous considérez comme mariage, vous vous trompez. Parce qu'il y a des gens qui vont aller, à l'heure où je suis en train de parler, se trouvent chacun marié de son côté. Chacun marié de son côté. Que leur dossier est classé dans le ciel pour dire je t'attends au jugement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que des gens qui ont des problèmes, le fait tout simplement, c'est pour ça qu'il veut parler de l'impatience. C'est l'époque de l'impatience. Et par conséquent, comme on ne croit pas à Dieu, on veut que chaque chose arrive rapidement. Et s'il y a une tension entre un homme et une femme, on veut que ça se résout rapidement. Pourtant, Dieu prend ce temps-là, ces choses-là, pour leur apprendre la patience, pour qu'ils soient entraînés dans la prière. Mais quand il dit que ça ne va pas, il prie, ça ne va pas, il y a tout le temps tension à la maison, ils disent que les solutions, et même un pasteur dit que si ne vous aimez pas, séparez-vous, c'est mieux de vivre en paix. Vous voyez ça, frère, comment on peut faire les choses? Ne vous aventurez pas dans un mariage et prononcez la séparation, ne faites jamais cela. Amen. Même s'il y a n'importe quoi, même si le mari prend le couteau, ça veut dire que quand tu ne sors pas, il va te tuer. Ne prononcez pas la séparation parce que c'est un esprit qui est derrière lui. Parce que ce n'est pas normal qu'un être humain qui t'a dit initialement que je t'aime, il va te tuer. C'est pour qu'il le dise, il est sous influence. Cette influence-là est ôtée, l'amour revient. Amen. Vous suivez cela? Amen. Alors maintenant, des pasteurs dont on s'est séparé des gens comme ça. dis maintenant que un frère, ta femme c'est telle, t'es telle, l'autre c'est telle. Ils sont mariés, chacun de son côté, mais ils sont pécheurs. Vous vous souvenez, dans la deuxième ou la troisième partie, c'était le cas de David, dont le papa de Milka avait fait fiancer pour 100 prépuces, pas vrai? Après, on a donné la femme à qui? À un autre homme. David courait en cavale. Entre temps, cet homme-là vivait dans l'adultère avec la femme de David. Il appelait sa femme. Pas vrai, frère? Quand David est monté au pouvoir, première chose, il a dit quoi? Abner. Pour que tu te prennes devant moi, il faut que ma femme soit là. Le gars était chaque jour, chérie Mika. Quand Anna a mis le pied, il dit que Mika, elle passe ici. Il était dit que Mika, tu pars où? Il m'en va. Mika, les femmes, hein. Mika. Voilà la femme qui est au milieu. Alors, vous remarquez très bien que tout le temps que cette femme, cet homme-là a passé, il était adultère. C'est ça ou c'est pas ça? David a réclamé sa femme. S'il ne réclamait pas, c'est que cet homme-là, comment il devait s'en sortir devant Dieu? Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont séparés, physiquement. C'est-à-dire que, nous, initialement, si vous allez devant le maire, vous enseignez ces choses-là, et que plus tard, vous avez des problèmes, des difficultés, ou bien des... Comment on a... Il y a tellement de motifs de vos incompatibilité d'humeur. Quand je ris, elle va pleurer. Quand je pleure, elle va rire. Donc, ça ne veut pas vivre ensemble. Alors, on met les bâtons dans le roue. On dit, allons à la mairie, on se sépare. Toute personne qui va s'aventurer dans un couple, créer le divorce, n'aura pas. C'est pour ça qu'il dit le départ, c'est là que il y a des gens, ils ne savent pas comment vous allez vous en sortir devant le Seigneur. Comment vous allez vous en sortir? Parce que souvenez-vous, la grâce n'est pas au-dessus du gouvernement de Dieu. Que ça ne vous quitte jamais dans la tête. Quand vous dites, nous sommes sous la grâce. La grâce est sous le gouvernement. La grâce est sous le gouvernement. Parce que la grâce est la main tendue de Dieu pour faire venir les gens à l'obéissance. Le gouvernement de Dieu, c'est il donne l'ordre avec des lois, on doit respecter en tant que père et créateur. Toute personne qui enfreint une loi a besoin d'une sanction. Et toute personne qui enfreint une loi s'éloigne normalement de lui. Il tend donc la main de la grâce et revenez donc à l'ordre. C'est ça la grâce. Vous voyez cela? Alors si tu es revenu dans la grâce, tu dois respecter le gouvernement. La grâce donc ramène sous l'autorité du gouvernement de Dieu. Je crois qu'il va falloir que je parle de cette histoire du gouvernement pour que vous compreniez cela. Dans la Bible, pour que vous voyez ça aligné dans les Écritures partout. Les gens qui ont quitté le gouvernement de Dieu, il reste ce qu'il en est. Donc, si quelqu'un dit, nous sommes sur la grâce, même si je me suis séparé, et que je suis en train de parler de divorce là, maintenant, je ne dois pas y revenir. Je finis ça rapidement, je quitte là ce sujet-là. Si quelqu'un est séparé, maintenant il se tient de ce côté-ci. L'autre se tient de ce côté-ci, en disant que, ah, c'est parce que je ne t'ai pas doté. Tu ne m'as pas doté. Tu n'es pas venu voir mes parents. Frère, vous continuez comme ça, tu vas te tenir où devant Dieu? Non, nous sommes sur la grâce. J'ai demandé pardon à Dieu, ça a réglé. Non, tu n'as pas réglé cela parce que tu es encore dans la désobéissance. Tu es exactement dans le cas où quelqu'un vit dans la fornication en disant que je demande pardon à Dieu chaque jour. C'est exactement ce cas-là où tu te trouves. Parce que la personne est désobéissante. Si je fornique en demandant pardon à Dieu, je suis dans la fornication. Toi également, tu vis dans la séparation, tu demandes pardon à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Vous devez vous réconcilier. Ou bien vous demeurez ainsi sans vous marier jamais. Et même si vous demeurez ainsi, qu'allez-vous dire devant le Seigneur du gouvernement que vous avez challengé, l'autorité du mariage, que l'homme ne sait pas point de sa femme. C'est ce qui crie. Personne ne doit s'en sortir dans cette situation. Alors de toute façon, on va y revenir. Je dis, le cas de divorce, on va toucher ça de fond encore et ça va encore amener notre nettoyage. Non. Si la femme commet adultère, je ne sais pas, j'ai le droit. Allons-y, on va aller doucement. On va aller doucement et c'est dans les écrits, dans les écritures. Alors, dans la quatrième partie, donc en chutant, nous avons fini au niveau de l'alliance et nous avons vu un temps soit peu, le moment, après avoir vu le moment instant, l'instant où le mariage est accepté, où on appelle ce qu'on appelle mariage, cet instant où le mariage est accepté devant le Seigneur, nous avons vu maintenant qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre ce que Dieu appelle mariage et le petit amitisme, d'où l'introduction de la notion de serment et de l'alliance. C'est ça qu'on va avancer maintenant. C'est ça. Et là, nous avons lu Nombre chapitre 30, où Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme va ouvrir la bouche pour faire un vœu en se liant par un serment, il va s'atteler à accomplir tout ce qui est sorti de sa bouche. S'il ne fait pas, il en fait quoi? Il pêche. Et donc, par conséquent, même en milieu chrétien, en tenant compte de ce qu'on a dit là maintenant, plusieurs pasteurs eux-mêmes sont déjà divorcés sans s'en rendre compte. Il est pasteur, jeune pasteur, il voit une jeune soeur qui entre et dit, waouh, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Mais tu m'as pour épouser. Dit, oui, la jeune fille aussi dit que je serai maman pasteur ici derrière. Tout son cœur partout, c'est maman pasteur. Elle va chez lui laver le sol, laver ici, faire tes choses. Un de ces jours, une autre femme entre Gaël, entre maintenant, c'est plus belle que Mima. On dit, ah, Gaël, Mima. Le pasteur est embrouillé. Il a encore la révélation que Dieu a encore changé parce que ça, ce n'est pas compris le plan. Vous voyez le pasteur là maintenant aujourd'hui. Il promet à 4 personnes qu'il est, que c'est, tu es ma femme. Enfin, d'autres fois, on sait, il couche avec toutes les soeurs. Gâte les filles des soeurs comme ça. Vous voyez, des gens quittent l'église pour aller maintenant rentrer à la maison. Elle se referme parce qu'elle ne peut pas dire que le tel pasteur m'a violé. Elle se referme sur elle, elle me dit que non, votre église, elle ne sait pas, c'est parce qu'elle ne te dit pas le fond du problème. Alors le pasteur, elle essaie de trouver encore maintenant une femme qui est riche. Comme Aïcha avait épousé Mohamed, là, ce type de Coran, parce qu'il a vu l'argent. Quand il est trouvé une femme riche, il dit que celle-ci va soutenir mon ministère pour qu'il puisse voyager. Il passe épouser celle-là. Devant Dieu, il va prêcher n'importe quel évangile. Dieu l'attend au premier accord qu'il avait fait ici. Qu'il le connaisse ou pas, Dieu va l'attendre au jugement. Il va devoir rendre compte de son action. Ah, Seigneur, pardonne-moi avant qu'il me marie maintenant. Oh chérie, Jésus te parle. J'avais fait des fornications, c'est pas cela. Tu es marié à la fille avec qui tu as fait alliance. Et nous avons vu donc dans ce Proverbe chapitre 20, le verset 25, que c'est un piège. Là, nous avons vu cela ces jours-là, dans la quatrième partie, que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc, avant de dire, je vais t'épouser, tu dois d'abord réfléchir avant que ça sorte de ta soupape. Il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre un engagement. Donc, il prend un engagement sacré. Et après, je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu t'es piégé. D'accord, frère? Alors, tous les versets dont je vous ai donné que vous notez, on parle du serment là-bas. Je vais prendre un particulièrement et on va commenter de quoi il est question. Je ne sais pas par où commencer. Hein? Puisse Dieu nous guider vraiment. Alors, en quoi est-ce que le serment des non-chrétiens diffère du serment des chrétiens? Je vous pose la question maintenant. Avant qu'on entre dans les Écritures. Vous savez ce qu'on appelle serment, n'est-ce pas? Il y a serment, différent entre serment et l'alliance. Je ne parle pas de l'alliance, je parle de serment. Dans l'alliance, on contracte un serment, n'est-ce pas? Les alliances, les serments introduisent les alliances. Pas vrai, frère? Voilà. Alors, je pose la question. Quelle est la différence entre un serment? Il dit devant le Seigneur, il ne dit pas d'après notre nom. Devant le Seigneur, comment Dieu voit un serment entre chez les mondains, ce qu'on appelle mondain, et chez les incroyants et chez les croyants? Comment est-ce que Dieu voit? Donc il faut qu'on en finisse avec la notion de ces serments-ci. Vous remarquez que la première alliance, hormis l'alliance dont l'alliance dont Dieu a parlé dans le chapitre 3 de Genèse, lorsque la femme et l'homme et le serpent ont péché, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu te briseras le talon. Ça, c'est une alliance qu'il a déjà mis avec le serpent, mais sans appeler alliance. Parce que désormais, la femme et les autres seront en antagonisme. Mais au chapitre 6, donc, lorsqu'il y aura le déluge, Dieu va faire maintenant la première alliance avec Noé. Il va dire, maintenant, je fais mon alliance avec toi et à ta postérité, selon laquelle il ne doit pas détruire encore la terre avec l'œil du déluge. Parce que je prends maintenant le signe. Il met le signe dans le ciel. L'arc-en-ciel, il va dire que lorsque je vais appeler les nuages qui vont venir du ciel, que je vais vouloir le répandre sur la terre, quand il va voir cela, il va me souvenir du signe de l'alliance selon lequel j'avais dit qu'il ne doit plus détruire la terre. Ça, c'est au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9, où il a parlé de toute cette alliance-là. D'accord? Mais la première fois où il parle de l'alliance, au chapitre 6 de Genèse. Puis par la suite, maintenant, il va commencer au fur et à mesure de parler de l'alliance jusqu'au chapitre 17, où il va parler de l'alliance avec la postérité d'Abraham. Il va réitérer cela à Isaac. Il va réitérer encore cela à Jacob. Pas vrai, frère? Et dans Exode, maintenant, il commence à aller développer cela en plein. Quand le moment de l'alliance, de la confirmation de l'alliance va arriver, il va appeler Moïse sur la montagne et lui donner maintenant les paroles de cette alliance, les 10 paroles qui vont venir, donner les paroles de l'alliance, ils vont entendre, après il va les sanctifier pour les faire entrer dans l'alliance. Et ça, frère, j'ai pas le temps, je devais brosser cela jusqu'à qu'il sort au niveau de la nouvelle alliance. L'alliance éternelle introduite par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je pose la question que je posais. Quelle est la différence du serment selon Dieu, entre les incroyants, c'est-à-dire que les incroyants, ceux qui contractent les alliances et les autres. Oui, mon cher. La différence, c'est que le Seigneur, c'est que le chrétien, quand le chrétien fait une alliance avec quelqu'un, le Seigneur regarde comme quelqu'un qui connaît et il fait l'alliance. Et qui ne doit pas se détenir de l'alliance qu'il a fait. Oui. Par contre, avec le mondain, il ne demandait un peu se détenir son alliance parce que le Seigneur va considérer qu'il se détenait parce qu'il ne connaît pas ce qui est dans les chrétiens. Voilà, ça veut dire que la différence c'est que les chrétiens sont censés, les croyants sont censés connaître, alors que les mondains n'en savent rien. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu ne considère pas son alliance. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord, frère? Amen. Voilà. Parce qu'en fait, ceux qui ne croient pas Dieu, eux-mêmes s'y marient. Parce que ceux qui ne croient pas Dieu, eux-mêmes, ils s'y marient. Ils sont légalement mariés devant Dieu. Le fait que tu te maries normalement comme Dieu veut ne fait pas de toi un croyant. Parce que c'est une simple institution qu'il a mis au milieu des hommes. N'est-ce pas, frère? Alors, que le mondain rencontre un autre mondain, une mondaine, et se marie avec eux, Dieu considère leur mariage. De telle sorte que même leur mariage sera jugé s'ils font autrement. Enfin, ils font passer en jugement. Les chrétiens ne sont pas censés passer en jugement. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus qui suscite déjà l'enseignement pour corriger les choses. Je vous le dis. Parce qu'en réalité, les chrétiens sont censés savoir que quand on dit quelque chose. Merci Père. Psaume chapitre 15. Psaume, le chapitre 15. Donc les chrétiens sont le peuple saint, le sacerdoce royal. D'accord, frère? Amen. Donc c'est à nous donc qu'on doit connaître toutes ces choses-là. Voilà, j'aime ça Moïse. Amen. Donc c'est de nous. Quand vous lisez la Bible, vous entendez le Seigneur Jésus dire, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous vivons les divorces, les bagarres dans nos couples. Vous allez chez les mondains pour résoudre le problème des couples, frère. Vous pouvez. C'est quand un mondain va venir, tu dis que, vous voyez la femme vient, il a tapé mon œil rouge. Tu vas dire que maman supporte, même en bas, ça ne me laisse pas. Tu vas dire ça, frère. Tu es un ampoule grillée. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise parmi les hommes. C'est ça, frère? Amen. Donc, en réalité, c'est à nous de donner les solutions. Le monde est dans la... Même si quelqu'un, même si vous voyez un homme, un être humain écrit n'importe quoi qui est bon pour faire que les gens vivent dans la paix, il est quand même dans son intelligence est quand même obscurci. C'est ce que la Bible enseigne. Il dit bien, si un païen écrit n'importe quoi pour favoriser, vous entendez les grands livres, des grands docteurs, des grands philosophes qui écrivent les livres sur le mariage. Comment vivre un mariage heureux? Tu parles. Il est son intelligence est quoi? Malgré la sagesse qu'il va développer là-bas, c'est la sagesse obscurcie. Dieu n'a pas donné ça au monde. C'est aux chrétiens qu'il a donné. Vous. Il n'a pas dit vous tous, vous êtes la lumière. Il dit vous. Il parle à ceux qui croient en lui. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. On doit donner la pensée de Christ dans chacune des situations. Mais le chrétien, tu entends, dit que moi, je suis venu accompagner les gens sur la terre. Ça ne me laisse pas moi aussi. Moi, j'ai la face du Makiro. Même pour le Mbonga. Psaume chapitre 15. On avance. Amen. Oh, oh. Regardez ce qui est écrit là-bas. Je t'en ai parlé avant que ce qui m'arrive. Regardez. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Puis il répond. La question qui est posée là est répondue. Ça, c'est quelqu'un qui a déposé la question à Dieu dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez quand vous êtes en somme dans la prière. J'aimerais vous parler de l'inspiration. L'inspiration, les réponses dans la prière. Vous en avez prié, le Saint-Esprit de vous parler sans que vous n'entendez une voix. C'est ce type de choses qui arrivent ici. Remarquez, vous allez remarquer que ça n'a pas de logique. On dit, ô Éternel, qui se joindra dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Puis on dit, celui qui marche dans l'intégrité. Donc, c'est une réponse ici à la question qui est posée. La question, c'est qui est en train de parler, qui est en train de poser la question, qui est en train de répondre. C'est l'inspiration ici. Donc, pendant qu'il parle, le Saint-Esprit répond. Donc, la question est posée, et le Saint-Esprit répond. Verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. Donc, on pose la question, la personne qui a de prier pose la question, qui se générera dans ta tente, qui va venir dans ta sainte montagne. Le Saint-Esprit dit, voici donc les personnes qui vont venir dans ma sainte montagne. C'est ça qui nous intéresse. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il nous renonce ceux qui craignent l'Éternel. Écoutez bien, regardez la partie C du verset 4. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc quand tu as dit, tu ne reviens plus. Quelqu'un qui parle en y revenant de sa parole, c'est un problème déjà avec lui. Puisque la question c'est qui va séjourner dans sa tente, dans sa demeure sainte. Les personnes qui pratiquent déjà les choses aussi. Alors la question c'est, je vais t'épouser. Je t'épouse. Oh non, aujourd'hui je t'aime. Demain je ne t'aime plus. Vous allez vous retrouver où là? Sa montagne sainte. Alors, faisons attention donc avec le serment. Le serment. Le serment. Le serment. Le serment. Je vous ai donné le livre déjà au chapitre 5. Je vous ai donné cela. Écoutez bien. Le verset 12, là, de Jacques, chapitre 5, allons-y ici. Jacques, chapitre 5. Tu y es déjà, mon cher? Soyez prêts. Je dis, tout ce qu'il veut parler maintenant concerne, même s'il ne m'arrête sans parler, ça se trouve à l'intérieur là-bas. Ça se trouve à l'intérieur. Plein là-dedans. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, oui, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Oui. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas dans le jugement. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, frère? Ah, chrétien, réveillons-nous. Chrétien, réveillons-nous. Vous avez vu ça? Nous allons encore relire ça, mais je vais encore l'expliquer pour que vous compreniez. Dans le psaume 15, David pose la question, mais en fait, finalement, quand je vois le texte, c'est comme ça là. Franchement, qui va entrer? Qui va vraiment habiter avec Dieu? Le Saint-Esprit lui donne la solution. Que voici les gens qui vont habiter avec moi. Ceux qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la justice, dans la droiture. Il est appuyé au chapitre 4, au verset 4, là, la partie C. Il dit qu'ils ne se rétractent point s'ils font un serment à leur préjudice. Vous voyez, sous l'ancienne alliance, il était permis de jurer. Non, je vous donne Nombre chapitre 5. Oui. Je vous donne un Chronique chapitre 6. Oui. Maintenant, je peux, voilà, vous voyez, je peux commencer à parler maintenant. Vous avez remarqué que dans Nombre chapitre 5, oh mon Dieu, c'est beaucoup là maintenant. Je ne sais pas comment ça va me bousculer. Bon, si vous regardez dans l'ancienne alliance, lorsqu'une femme a été sous le coup de la jalousie, causé le problème de jalousie à son mari, on l'a menée devant le Seigneur. Pas vrai? Le sacrificateur lui donnait ce qu'on appelle de l'eau amère. Elle devait faire le serment avec des imprécations. C'est-à-dire, si la femme a trompé son mari, elle devait boire ces eaux amères-là. Si elle a bu, on invoque le nom du Seigneur là-bas par serment. Elle fait un serment, son ventre va grossir. Si elle a trompé son mari, elle a entré menti. Vous suivez, frère? Et maintenant, alors, tout serment, le Dieu, on dit que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ça veut dire le Dieu d'alliance. Donc, toute alliance que vous faites sur la terre implique Dieu. Toute alliance. Vous devez savoir cela. Quand tu viens dire à quelqu'un que prête-moi ton argent, je vais te rembourser demain. Ou fermez de respecter cela. Si tu ne peux pas respecter, tu dis, prête-moi l'argent, s'il te plaît. Dès que j'aurai, je te remettrai. Ça, c'est autre notion. Mais si tu dis que je vais te donner demain, on dit, il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Voilà pourquoi donc, le Saint-Esprit, connaissant ces choses, c'est que c'est un danger en milieu des hommes. C'est que les gens devaient jurer n'importe comment, ça se rendre compte devant Dieu et rendre coupable, à amplifier la chose dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, donc, on interdit de jurer. Vous avez remarqué, frère? Je recommence encore pour vous saisir. Dans l'ancienne alliance, il fallait jurer. Lorsque Salomon a construit le temple dans ce livre de 1 Chronique, chapitre 6, il va dire effectivement que si les gens viennent ici devant ton hôtel et font un serment entre les deux, s'il y a deux personnes qui amènent une contestation ici, ils font un serment ici, il dit, libère celui qui est innocent et il rend coupable celui qui est coupable. Donc devant l'hôtel du Seigneur, on devrait être droit. Déjà, c'était pour que les gens craignent Dieu. Que quand tu appelles le Dieu d'alliance, il agit. Chacun commence à dire que celui-là, il faut faire attention. Quand tu vas devant lui, déjà, ne ment pas. Pas vrai? Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance maintenant, le chrétien, comme Colossiens chapitre 3 le dit, dites-vous les vérités les uns les autres, ayant été dépouillés donc de vieil homme et de ses œuvres. Donc ces œuvres-là ne doivent pas se toucher, se retrouver en nous. Et par conséquent, comme on dit les vérités, on n'a plus besoin maintenant que tu fais un. Le frère n'a pas me dit que demain je viens, je guette dans tes yeux. Que tes yeux, s'il me dit que tu mens. Parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Donc s'il me dit tu viens, en tant que chrétien, je crois. Tu me manques, tu as le problème avec Dieu. C'est ça le vrai problème milieu chrétien maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'a pas changé, il a amplifié. Dieu n'a pas changé, il a... Et lorsqu'il amplifie, ça devient dangereux. Alors maintenant, dans Jacques chapitre 5, le verset 12, il dit quoi? Avant toute chose, oui? Mes frères, ne jurez ni par le ciel, oui, oui, ni par la terre, oui, ni par aucun autre serment, oui, mais que votre oui soit oui. Et que votre nom soit non. Ah, arrêtons d'abord là-bas. Laissons le cas des jugements. Le Seigneur Jésus avait dit cela lorsqu'il marchait sur la terre. Il a dit, ne jurez pas par votre tête. Parce que vous ne pouvez pas faire pousser, rendre noir ou bien blanc un seul. Ne jurez pas par la ville, par Jérusalem. Parce que c'est la ville du grand. Ne jurez pas par le ciel. Parce que c'est le trône de... Parce que quand tu dis, je le jure, tu présentes le mot, que, je le jure. Frère. Et que tu es en train de mentir. Où est-ce que tu vas te tenir avec ce serment que tu as fait? Où est-ce que tu vas te tenir? Alors donc, c'est pour ça que la Bible nous a dit, en réalité, vous devez marcher dans la vérité. Les chrétiens sont censés marcher dans la... Et par conséquent, il ne peut pas venir vers une jeune fille et dire que je vais t'épouser. Puis je dis que non, je ne t'épouse plus parce que la Bible déclare, si on fait cela, le deuxième... Vous voulez dire quoi? De peur que... Afin que vous... Vous ne tombiez pas sous le jugement. On dit à qui comme ça, frère? Pointez quelqu'un dans le nez. Dis ton tuyau d'échappement. Quand tu veux démarrer, fais attention. Alors, il dit donc que, avant toute chose, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quel moyen, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, il n'y a pas oui, mais. Ça, c'est la politique. Non, mais. Il n'y a pas ça. C'est oui, oui, non, non. Donc, quand tu as dit à une femme que oui, je t'épouse, c'est pour cela qu'on attend, justement, lorsque vous êtes ensemble. Tu dis, je vais t'épouser. Veux-tu m'épouser? Veux-tu te prendre pour épouse? Veux-tu m'épouser? Tu m'accepteras comme époux? Il y a quelque chose que tu attends. Ce n'y a que deux réponses possibles. Mais comme les filles d'aujourd'hui sont devenues les Jennifer Lopez, tu guettes d'abord comme ça, dire qu'ils travaillent quoi? Je peux faire comme ça, je joue ma carte ici comme ça, que le gars n'a rien. Vrai, vrai, est-ce que le gars ne me trompe pas? Après, elle dit, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Pensez, on vient dire à Abigail que Abigail, David nous a envoyé pour devenir ta femme. Je vais réfléchir. Le véritable mariage est inspiré par l'amour. Le véritable mariage est inspiré par l'amour, pas par la peur. La peur et les différences malgré qui sont tout autour que, attends, je réfléchis, c'est parce que il y a un proverbe qui dit quand le serpent t'a déjà mordu, tu vois le mille pattes, tu fuis. Donc il faut réfléchir deux fois pour dire oui. Pas vrai? Et en fait, il faut vraiment réfléchir pour dire oui. Parce que quand tu dis oui, c'est calé. Il n'y a plus non. Donc avant de dire réfléchis bien. Je suis en train de dire ici, comme vous entendez là, vous n'avez plus d'excuses. Quand vous entendez maintenant ma voix, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est la correction que le Dieu du ciel a amené dans l'église. Vous m'entendez ma voix, vous n'avez plus d'excuses. Vous entendez ma voix, le jour de ce grand trône blanc, le baffle spirituel sera mis là-bas, vous allez entendre cette voix se résonner et amplifier. Dans tous les cieux, ça va traverser les cieux. Et alors là, si quelqu'un a entendu ceci et a fait autrement encore, alors qu'il a dit dans les Écritures que quand tu dis oui, c'est scellé, faites attention désormais, peut-être que vous fonctionnez dans l'ignorance, vous n'aurez plus d'excuses, mes chers amis. Vous n'aurez plus d'excuses. Alors, il dit ici que ne faites pas le serment. C'est pour cela que le chrétien ne fait pas le serment en voulant se dégager. Il doit réfléchir pour dire oui. Réfléchir pour dire non. Et quand il dit non, il ne doit plus être là pour te changer. C'est pour ça que depuis le chapitre 1, si, de ce livre de Jacques, il va commencer à dire qu'un homme, celui qui prie, qui fait telle chose, il est comme un vent, le vent agité à tout vent. Pas vrai? Il dit qu'un tel homme n'espère pouvoir recevoir de Dieu quoi que ce soit. Vous comprenez, mes frères? Vous comprenez bien? Amen. Alors, le chrétien doit être affûté pour savoir que, pour que j'ouvre ma bouche, je dis quelque chose à une sœur. Puisque nous parlons du cas de ça. C'est valable. Le serment est valable pour n'importe quel business. Dans 1 Thessaloniciens, lorsqu'il parle de la sanctification, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit ce que Dieu veut. Après, il dit ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impurité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas. Il dit c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans des affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là. Puis il dit, si quelqu'un rejette ces choses, ces préceptes, il ne rejette pas un homme. Mais quoi, frère? Mais quoi? Donc c'est la base, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu. Je recommence encore. Cette correction étant donnée, vous écoutez ma voix, vous n'avez plus d'excuses. Alors, réfléchissez pas deux fois lorsque vous aventurez devant quelqu'un. Souvenez-vous de ceci, je parle entre chrétien et chrétien là parce que normalement, entre nous, il ne doit pas avoir de duplicité. Je vais plus loin parce que la Bible dit, il a dit que personne n'use des fraudes et des cupidités dans des affaires. Maintenant, c'est le chrétien qui ne doit même pas aller dans le monde pour scandaliser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on doit marcher dans l'intégrité. Si vous voyez une fille et qu'elle vous plaît, vous voulez prendre pour épouse, si c'est, vous voyez que c'est impur en vous, demandez au Seigneur de vous en délivrer. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc ne vous aventurez pas pour dire ces choses-là, parce que c'est votre propre vie que vous attachez. Votre propre vie que vous attachez. D'accord, mes frères? Amen. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Enfin, ne soyez pas d'accord. Ça, c'est l'écriture. Donc, le petit améthysme n'est pas ce que je suis en train de parler ici. Vous me suivez? Ok. Maintenant, vous allez remarquer dans le livre des Juges, chapitre. Dans Josué, chapitre 9, dont je vous ai donné la dernière fois, concernant la nation de Gabaon. Si vous avez lu cela, ils savaient qu'Israël craignait Dieu, ils avaient le véritable Dieu. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et donc là, ils vont inviter Israël à traiter alliance avec nous. Traite alliance avec nous selon laquelle vous n'allez pas nous détruire. La Bible déclare qu'ils ont fait une alliance selon laquelle ils ne devaient plus détruire les Gabonais. Ok, maintenant, si ce n'était pas important pour Dieu, ou bien important, ou bien si le peuple ne craignait pas Dieu, ou bien ne savait pas que Dieu est celui l'auteur des alliances et celui qui plonge les regards dans les alliances. Pourquoi donc ils font alliance? Ils disent, ok, d'après cette alliance-ci, on ne doit plus vous combattre avec les guerres, nous n'allons pas vous détruire. On dit, trois jours après le contrat de cette alliance, Israël, ceux qui étaient tous à côté, leurs voisins. Ils ont dit, qu'est-ce que vous nous avez fait? Ils ne peuvent pas le tuer. On dit, les anciens avaient juré par l'Éternel, leur Dieu, qu'ils ne pouvaient pas mettre la main. Ils se fâchaient, ils se disaient, vous nous avez fait quoi comme ça? Mais ils ne pouvaient pas avancer la main. Oh, maintenant, regardez bien, voici le peuple de Dieu qui a fait alliance avec le peuple païen. Si vous lisez la Bible, vous regardez Deutéronome chapitre 29, vous allez voir effectivement comment Dieu va commencer à les dire de façon explicite qu'on ne contracterait point d'alliance avec ce peuple. Parce que c'est un piège. L'alliance contractée avec le monde, c'est un piège. C'est pour cela que Dieu dit aux chrétiens ou bien aux croyants de ne pas aller contracter le mariage chez les non-croyants. Parce qu'il va inviter le Dieu d'entrer. Dieu leur avait dit cela, de ne pas contracter l'alliance avec eux. Les valeurs qui viennent contracter l'alliance sans consulter Dieu. Qu'est-ce qui va se passer longtemps après la génération qui avait contracté l'alliance va passer? Saul, la Bible déclare que par le zèle excessif pour Israël et pour Juda, va tuer les Gabonites, nonobstant l'alliance qu'ils avaient faite. Souvenez-vous de ceci. Quand une alliance est contactée sous la forme nationale, toute la nation est impliquée. Je vais commencer avant d'expliquer quelque chose. Alors, vous dites, pourquoi la guerre dans tel pays? Pourquoi tel pays est comme ça? Je vous ai parlé par exemple du trône de Côte d'Ivoire. Le trône de Côte d'Ivoire, pour que ça ait été contracté avec du sang. On a inauguré cela avec le sang. Il y a l'autre au Congo, Brazzaville, je vais y revenir. Et il y a le Congo Kinshasa qui, c'est quand même terrible. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-ci? Bon, de toute façon, c'est même pas l'un de nos sujets ici. Je vous ai dit ici, si une alliance est contractée à l'échelle nationale, c'est national que ça va se respecter. Voici pourquoi dans la famille, lorsqu'on vous parle par exemple de malédiction familiale, vous voyez, dans une famille, vous voyez, les femmes sont stériles ou bien il y a un style de maladie dans la famille qui suit. Et je ne parle pas de maladies d'ordre physique qu'on peut dire que c'est génétique. D'accord? Je parle de maladies d'ordre spirituel. Vous voyez que dans la famille, il y a des gens qui sont comme les Mongoliens, on les appelle les Mongoliens. Vous voyez cela dans la famille se répéter ou bien tout autre symptôme qui se trouve dans la famille. Vous posez la question, quel est le problème? Comment une malédiction peut quitter depuis 4 générations ça te touche? Là, vous touchez le vrai domaine spirituel. Vous comprenez que en réalité, c'est une alliance qui a été contractée. Maintenant, si un grand-parent, votre grand-parent, était parmi ceux qui disparaissaient durant la période de maquis, ou bien qui ne peut pas prendre le pouvoir, la clause de cette pacte, c'est que je te donne le pouvoir de disparaître en milieu de guerre. Tu me donnes toute ta génération. Quand il a dit toute ta génération, c'est inclus dans le pacte que tu es venu sortir à l'intérieur, que tu te trouves dans ce pacte-là. Donc, si tu es sorti là-bas, tu as des problèmes. Voilà. C'est ça qui les donne les questions. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, si vous n'avez pas la grâce, que la puissance de Saint-Esprit vienne dire exactement quelle est la source de votre problème, vous allez gêner. Priez. C'est pour cela qu'il est important d'être revêtu de la puissance de Saint-Esprit. D'entendre la voix du Saint-Esprit qui t'indique les sources des problèmes. Parce que votre problème, on vous amène souvent dans l'alliance quand vous êtes petit. Oui, tous mes enfants. On vous amène sur les hauts lieux. On parle. En partant, en tant qu'homme, vous partez avec vos semences à l'intérieur de votre corps. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Même si vous n'admettez pas, c'est ce que la Bible m'enseigne. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7 que lorsque Abraham alla au-delà de Melchisedec, Lévi, qui est le troisième après lui, était dans ses reins quand il allait. On dit donc que c'est Lévi qui payait la dîme par Abraham. Donc, Lévi était présent quand Melchisedec était là. Ton grand-père part dans un haut lieu. Il dit que donne-moi la richesse, je vais te servir. Il parle avec qui? Avec toi. Avec toute sa descendance. Donc, faites attention où on se retrouve. Alors, le Dieu d'alliance, donc, et les peuples étrangers connaissaient le Dieu d'alliance. C'est pour cela que donc les gens sont venus, ils ont traité alliance avec le peuple d'Israël, sachant que quand ils disent leurs paroles, ils sont tenus de respecter selon leur Dieu. Maintenant, Saül va grandir, quand il va monter en puissance, il va frapper ce peuple. Quand il frappe, Dieu reste comme ça, il fait comme s'il ne voit pas. Saül meurt, il part tranquillement. Vous lisez 1 Samuel chapitre 28, vous remarquez effectivement que la Bible déclare qu'il y a une famine. Et David chercha la face de Dieu, Dieu a dit que c'est à cause de la maison sanguinée de Saül. Le sang de Gabaonie, que ça lui a détruit. parce que l'alliance avait été faite plus de 400 ans plus tôt, qu'on ne doit pas le tuer. Mais Saül, quand Saül était au pouvoir, il avait tué. Dieu a jeté la famine sur Israël. Alors que ceux qui avaient tué n'étaient pas là. Il n'a pas frappé la nation de Saül parce que c'est Israël qui avait fait l'alliance qui ne doit pas tuer les Gabaonites. Ce n'est pas la maison de Saül. Ça impliquait tout Israël. Donc la famine devait venir sur tout Israël. Donc faisons attention. Alors Dieu est le Dieu d'alliance. On en a plein dans la Bible, depuis la Genèse que je vous ai donnée. Là, vous allez voir Laban, quand Laban va aller voir quoi. Jacob, quand Jacob est en train de fuir avec ses filles, ils vont faire alliance là-bas sur le caillou. Faire alliance. Quand Isaac va quitter Abimelech pour partir, ils vont dire que maintenant tu es puissant avec l'argent que tu as, là, tu peux dresser les guerres contre nous. Faisons d'abord alliance ici, là, avant de quitter, que tu n'as pas nous attaquer. Il fait alliance. Quand il a fait alliance, là, il peut rentrer les attaquer. Alors la question c'est, comment ces gens se marchaient dans l'intégrité? Ils mesuraient ce qu'ils faisaient. Nous aussi, aujourd'hui, qui sommes le peuple saint, on est négligent au point où on dit n'importe quoi en disant, remarquez ce que Esaü a dit, Esaü, lorsqu'il rentre du champ, avec le droit de naissance. Il a méprisé ce que le droit de naissance était. C'est avec la bouche qu'il a dit, donne-moi de cette potage là, je mange une ennemie. Ah, vends-moi cela, il dit, je te vends. Il y avait un papier qui était écrit, frère. Ça a joué sur lui lorsque le moment où il fallait faire le choix pour le premier-né. Pas vrai? Donc faisons attention pour ces choses-ci. Faisons attention pour ces choses-ci. Vous allez prendre le temps de lire ce qu'il en est. Le livre de la prostitution, le livre de la prostitution de la Bible, Osée. Prenez le temps de lire et puis vous allez au chapitre 10. Là, vous lisez ce qu'il en est là-bas par rapport à ce serment-là. Et puis vous lisez aussi Ézéchiel chapitre 17, dont je vous ai parlé, par rapport à ce serment. Il y en a plein, Jérémie partout là où le Seigneur en a parlé de cela. Donc, en somme, l'alliance, sont des paroles que nous sortons dans notre bouche pour donner notre accord. Et quand nous donnons notre accord dans l'autre partie, nous entrons donc dans un système de serment où devant Dieu, c'est réglé. Et étant enfant du Très-Haut, on ne doit pas s'amuser en disant n'importe quoi. Proverbe chapitre 6 nous dit que si tu t'es enlacé devant quelqu'un, si tu t'es laissé prier par quelqu'un, avec tes paroles, va, dégage-toi-en. Donc, si tu dis donc, pardon, j'avais fait l'erreur, elle dit que non, tu es ma personne, tu es fini, mon frère. Ah, amen. Avant d'avancer, y a-t-il des questions? Oui, mon cher. Oui, frère, sur ce thème du serment ou de l'alliance, j'ai une question. Que fait donc pour celui qui. Avant de connaître, en fait, il a connu le Seigneur, et puis maintenant, à cause du fait que dans la persécution, il a dû faire une alliance. Comme tu as dit tout à l'heure, que ce sont des paroles que nous sortons dans notre bouche pour donner notre accord. Mm-hmm. Donc, il sort cette parole-là, disant qu'il ne doit plus suivre cette voie, mm-hmm. qui est la voie du Seigneur. Et que bien après, il ressent le jugement dans son cœur, que l'accord qu'il a fait là n'est pas bon. Bon, est-ce que, je ne sais pas si, quel sera son comportement bien après? Qu'est-ce qu'il faut faire? Redis cela bien pour qu'il saisisse bien ce que tu as lui demandé. Oui frère, je dis ceci, pour un enfant de Dieu, un chrétien, oui. qui, traversant les moments de persécution, a dû sortir une parole de sa bouche oui. pour dire à ceux qui le persécutent oui. à cause du fait que ceux-là ont peut-être dit si tu ne marches pas comme ceci oui. on agira ainsi uh-huh. on sort donc cette parole là et puis il se soumet à ce qu'ils disent oui. et bien après il se rend compte que selon le Seigneur ce qu'il a dit n'est pas bon. Alors nous nous trouvons effectivement dans le cas de Pierre, si vous prenez le livre de Matthieu, Marc et Luc, vous allez voir que la Bible déclare, lorsqu'on a confronté l'apôtre Pierre concernant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a fait cela avec serment. Il dit, lorsqu'on a venu coincer le Seigneur le Pierre, lorsqu'on avait livré le Seigneur Jésus, il a fait ça avec serment. Que, même Macabo trois fois, je ne connais pas vrai? Est-ce qu'il a été restauré? Il a été restauré, pas vrai? Ah, bon, maintenant, suivez très attentivement. Le cas de la personne dont il dit, c'est ça que je vous dis, vous ne pouvez pas résister à ces choses, à ces signes de persécution si le Saint-Esprit n'est pas sur vous. Parce que sinon, quelqu'un comme Étienne, comme ça, c'est le caillou qu'on lançait sur lui. Si on lance le caillou sur lui, ça vient, pam, ça tombe. C'est que lui-même, si c'est toi, à ce niveau-là, tu prends le caillou, même les gens, les personnes vont dire, mais comment ceci ne te laisse pas fouetter avec le caillou. En réalité, lorsqu'on est couvert par le Saint-Esprit, la plus la persécution vient plus ton amour pour le Seigneur et l'amour, la compassion pour ceux qui ont été persécutés de faire. C'est parce que tout simplement, parce que comme on est jeune dans la foi, il y a des personnes dans les maisons, on dit que soit tu dis que tu ne sais plus Dieu là ou tu ne sais plus Dieu ici. Tu dis aussi que, ok, il ne sait plus. Quand tu dis, ok, il ne sait plus, ce n'est pas ta volonté. C'est pour cela que même dans la loi normale, si les informations ne doivent pas être extraites par torture. Quelqu'un peut faire obstruction ou objection devant un tribunal en disant que ce qui est mentionné sur le procès verbal a été obtenu par torture. Et il a gain de cause. Parce que les gens disent, on t'attrape, on dit, ok, mais dis, c'est toi qui as volé ça. On fait pam, pam, pam, pam. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi on te laisse tranquille? Tu dis, oui, c'est moi. Quand on dit que oui, c'est moi, il dit, ah, voleur comme ça. Il écrit, c'est moi qui ai volé. Mais devant la juridiction, tu dis, parce que j'étais torturé, j'étais obligé d'accepter. D'accord, frère? Autre question? Yes. My question is that. Now, you are speaking little. A while there, you were saying that people were speaking. No, not speaking like that. Now you are speaking like lower. Okay, my question is that, as the Bible says, there is no paddle in heaven. Yeah. You have to ask forgiveness here on earth. Yes. For example, for what you are talking about marriage. Yes. For those that they have done it. Yes. In ignorance. Yes. Without knowing. Yes. In this test, after this lesson, this teaching. Yeah. If those people ask forgiveness from God from their ignorance, yes, will God answer them? That's it. The God we are serving is merciful. Yes. That's why He gives out messages to restore people. Yes. So the Bible says, if we confess our sins, He is willing to forgive us and to restore us. Yes. But the only thing is that you don't have to understand this issue and stay again in that darkness. The Bible says, let us continue to do it. Let's open Acts chapter 17. Acts des Apôtres, chapitre 17, verse 30. What does the Bible say? Verse 30. Yes. Truly, this time is ignorance. Mm-hmm. God overlooked, but now, command all men everywhere to repent. See, truly, this time is of ignorance. Mm-hmm. God overlooked. Overlooked. But yes. But now, command. You see, truly, this time that. So the Bible wants to explain to us that God does not look at that type of ignorance. Okay. But now, as you are listening now, you have to repent. Because He has fixed one day that He will judge all the earth. Yeah. So when somebody listening to this, what He has, in fact, when we're in sin, when we're sinning, all of us were sinners, not knowing the way of truth. Mm-hmm. But as soon as the gospel was preached unto us, what do we do? We repent and amend our lives. Mm-hmm. And we start walking in holiness. That's the same way, whenever we listen to every truth, while we're living in lie, we just have to amend our ways and continue in that the way of truth. We cannot say we love Jesus Christ and be walking in the way of lie. Everything that concerns the Bible and concerns the kingdom of God, because no darkness will enter there. Amen. Oui, mon cher là. Oui, frère, une autre question. Frère, compte tenu du fait que aujourd'hui les enfants de Dieu parfois prennent des engagements sans contactant, sans chercher la volonté du Seigneur. Oui. Ils reviennent bien après, avant de chercher cette volonté-là. Que faire pour un frère, par exemple, qui a pris cet accord avec une sœur et qui, bien après, il entre dans l'intimité, le Seigneur lui révèle en fait de renoncer à cette relation-là. Oui. Quelle sera... Quel conseil pouvons-nous donner à ce... Lisons ce que le conseil, la Bible dit. Lisons Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. C'est ce que la Bible dit qui est vrai, non, frère? Amen. Et celle-là a donné la solution. Elle ne peut pas donner autre solution parce que je n'ai pas de solution. Proverbes chapitre 6. On y va. Amen. Regardez. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 1. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, vous avez vu cela, n'est-ce pas? Enfin, c'est la condition là ici. Si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Oui, on a donné la solution ici. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Vous avez vu ça, frère? Va, prosterne-toi et fais des instants auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseleur de la main de l'oiseleur. Frère, si la Bible prend tout ce temps pour expliquer ces choses, ça veut dire que la parole qui sort de notre bouche est très importante. Ouvrons 2 Samuel, voir. On va voir un des exemples là-bas, d'accord? Vous allez voir la Bible aussi. 2 Samuel. Et dans 2 Samuel, vous ouvrez le chapitre 16 de 2 Samuel. On va lire deux passages là-bas. Vous avez suivi le conseil des proverbes. On va voir un cas typique dans la Bible, donc, comme exemple. Aidez quelqu'un, si vous me faites de Dieu comme ça, aidez quelqu'un à ouvrir 2 Samuel, chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. Nous allons lire le verset 5 à 13. 2 Samuel chapitre 16. Dieu merci que les deux passages qu'on va laisser à l'intérieur. Regardez, je vais lire le verset 5 à 13. On y va. Écoutez. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saul nommé Shimei. Vous connaissez cet homme-ci lorsque David fuyait. Nommé Shimei, fils de Guéra, il s'avança en prononçant des malédictions. Vous avez vu ça, frère? Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. J'ai dit du 5 jusqu'à verset 13. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Ça, c'est quand David fuyait son fils Absalom. Et il marchait sur la montagne là-bas. Ce monsieur-là sort, commence à donner des imprécations, des malédictions. C'est quand même terrible, l'être humain. C'est quand même terrible. Regardez. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tserujah, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserujah? S'il maudit, ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Vous parlez de David, hein, frère? Ah, mon Dieu. Il est là comme ça avec les hommes, avec les gardes du corps. Quelqu'un passe, il bavarde. Il dit, laisse-le tranquille, laisse-le bavarder. David, savoir discerner la volonté de Dieu, même dans les insultes. Quelqu'un vient chez toi, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Il dit, mais... arrête pas tes histoires, je vais te gifler. C'est pas parce que je ne parle pas. Hein. Mais regardez David, il a tout le pouvoir pour lui dire. Même le roi, même un de ses généraux dit que mince, comment le type se fait comme ça là? Il sait que c'est le roi qui doit donner l'ordre de tuer pour le tuer. Il dit pourquoi? Laisse-le. Si Dieu a dit qu'il maudit. Mais suivez attentivement ce qui va arriver. Verset 9. Alors Abishai, fils de Tserujah. Non, je crois que j'ai dans l'histoire. Verset 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Verset 12. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Vous parlez des prophètes, hein, frère. Je lis comme ça, mais je peux prêcher encore 2 heures, mais mon corps commence à faire, frère, un genre. Lui qui insultait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Regardez David là, Christ en Jésus, en David. Regardez, verset 13 enfin. David et ses gens continuaient leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Verset 14, le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivaient à Jephim, et là il se reposait. Vous avez vu ce qui s'est passé, frère? Allons au chapitre 19. Quand il donnait les paroles de malédiction comme ça, il connaît les malédictions sur David, qu'est-ce qu'il faisait? Quand tu as insulté quelqu'un, vous savez comment les paroles blessantes font. Vous avez problème avec quelqu'un, vous parlez, vous insultez, vous dites, tu n'es rien, tu n'es qu'un. Demain, quand tout est calme, quand ton cœur, quand tu regardes la personne, tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas? Ah, laisse-moi comme ça, c'est même pas ce qui m'a prié. Tu vois effectivement qu'il y a un problème à réparer. Je ne sais pas, ma bouche est aussi bavarde trop. Laisse-moi comme ça, on ne sait jamais ce qui arrive. ma bouche, c'est ma bouche, c'est papa, c'est pas ta bouche, c'est à l'intérieur. Lisons au chapitre 19, verset 19, allons-y rapidement, verset 19 directement. Maintenant, ou bien prenons de 16 à 19 rapidement. Shimei, fils de Gerasa, maintenant, c'est David qui retourne à Jérusalem. David, maintenant, là, il partait de Jérusalem. Son fils avait, Absalom avait pris le pouvoir, donc il quittait avec ses gens pour ne pas tuer son fils, il ne voulait pas avoir de confrontation. D'accord? Maintenant, le voici maintenant, il y a eu quelque chose, il en est retourné encore à Jérusalem, encore un roi. Maintenant, suivant ce même monsieur. Chapitre 19, verset 16 et suivant. Shimei, fils de Gera, Benjamin, qui était des Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tiba, serviteurs de la maison de Saul. Et les 15 fils et les 24 serviteurs de Tiba, ils passaient le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Vous avez vu ça, frère? Et dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier et toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Tsiruja, encore lui encore, prit la parole et dit, Shimei, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsiruja? Bon, c'est tout David là. Donc, vous voyez comment quelqu'un s'est enlacé avec la parole. Il a couru, il dit, c'est l'exemple de Proverbe chapitre 6. Il dit, tu t'es enlacé, tu t'es pris par elle, par ses paroles. Fais ceci, va te dégager. Parce que le plus grand danger qu'un être humain puisse avoir, c'est tu dis à quelqu'un que ah, ces paroles blessantes, ces paroles ceci, ces paroles ceci. Peut-être, pardon. Je prends un exemple simple pour ce cas-ci. Quelqu'un est disgracé pour un peu de temps, selon la volonté de Dieu. On le méprise, tu le méprises parce que tu viens de dire qu'un pauvre type, tu peux être quoi ici? De regarder ta culotte déchirée. Et que tu pars comme ça, que mon père est ceci, mon père, si tu pars dans ta maison, demain ton père meurt. Trois jours après, il sort que c'est lui maintenant qui est le président de la République. Et qui passe à côté de toi sans rien dire. Quand il ne dit rien, il te regarde. Tu vas être tourmenté toute ta vie. S'il ne te dit rien, il te regarde seulement, il ne dit rien. Il te regarde seulement, il ne te dit rien. Même s'il n'a rien au cœur, le fait que tu sais qu'il ne t'a rien dit, dit seulement que qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que tu t'es enlacé, tu as été pris. Alors la Bible déclare dans ce premier chapitre 6 que mon fils, fais ceci si tu as été pris. Si tu es laissé pris, si tu t'es donné à quelqu'un par tes paroles, va faire ceci, dégage-toi. Shimei a vite fait parce qu'il savait que David entre dans la ville. Il va dire que je me souviens, vous savez, quand Dieu a dit là, je me souviens quand Israël passait dans le pays, Moab avait dit ha ha ha ha, Amalek avait fait ça pour le barrer au chemin. Va le traiter, de vous pas interdit. C'est que cette parole, ce qu'il a dit sur David, devait être dans sa génération. Un de ces jours, Salomon va se lever, un de ces jours, on dit que va corriger les fils de Shimei. Après, vous restez à la maison, vous allez manger, on devient avec les pécheurs. Fiam, fiam, vous, c'est quoi? On dit que ton arrière-grand-père va insulter mon arrière-grand-père. C'est pas ça, frère? Ah, c'est ça. Lisez 1 Samuel, c'est même livre de 1 Samuel. Vous allez voir au chapitre 15. Dieu dit maintenant que dis à Samuel. Il dit à Samuel que va dire au roi Saül, c'est le même Saül aussi. Il dit que va, de vous à Malek, pas interdit. Il dit, je me souviens quand Israël, mon peuple, passait dans le désert, il lui a barré le chemin. C'est pas ça, frère? C'est ça. Je pose la question. Les Saül qui sont là maintenant, ceux qui étaient sortis de l'Égypte, les Amalécites qui sont dans le territoire, là, ceux qui avaient barré le chemin, non. Mais le problème, c'est que c'est la nation d'Amalek. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là-haut, c'est les mêmes gens. Alors Dieu a dit que va les corriger. Donc vous restez tranquille comme ça, vous ne savez pas que les malédictions disent sur vous. Qu'est-ce qui est dit sur le Cameroun, frère? Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Dieu merci du fait qu'ils ont soutenu Israël une fois au Conseil de sécurité. Dieu merci pour cela. J'ai une question ici. Si j'ai dit oui à quelqu'un non chrétien pour le mariage, à condition que je serve le Seigneur et qu'après il me demande d'abandonner mon Dieu, ce serment est-il encore valable que non? Regardez, je vous ai donné les listes des passages là dès le départ, n'est-ce pas? Vous allez voir, si vous lisez l'histoire de Jephthé, vous avez lu l'histoire de Jephthé? Vous avez lu l'histoire de Jephthé? Bon, il ne raconte pas comme vous avez lu. Vous avez lu l'histoire de Jonathan, quand il devait être lapidé et tué? Là, maintenant, ça devient difficile, pas vrai? Vous avez remarqué que si vous lisez le livre 1 Samuel chapitre 14, 1 Samuel chapitre 14, je vous ai donné ça. Le peuple va sortir pour aller combattre et ils vont faire un serment, ils vont ouvrir le serment maintenant en disant que qui est ici, que personne ne goûte quelque chose jusqu'au soir, tant qu'on n'a pas encore fait ces choses au clair. La Bible déclare que Jonathan n'était pas là. Il arrive quelque part, il a vu le miel, il a dit merde, quel rien de miel. Il a plongé le couteau là, on est où? Oh, Jonathan c'est le fils du roi. Il va mourir. Le peuple a engagé tout le monde dans le serment. Mais Jonathan n'était pas parmi. Donc allez lire, c'est intéressant. Si vous voulez, c'est moi qui vous raconte toutes les histoires de la Bible. Allez lire ça là-bas, c'est intéressant. Alors, le serment, l'alliance avec le chrétien, nous servons un Dieu. Je vous ai donné Hébreux chapitre 6 aujourd'hui. C'est ça? Allons dans Hébreux chapitre 6. Quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Hébreux chapitre 6. Hébreux le chapitre 6. Donc, jeune fille, vous qui avez duré dans la sainteté, parce que vos corps chauffent déjà, vous attendez seulement, même dans le rêve, quelqu'un vous dit, je vous marie, même c'est un esprit de nuit, vous dites oui, avant de dire, qu'est-ce qu'il dit? Mesurez bien maintenant. On y va? Je vais lire le verset 9. Normalement, c'est le verset 17 qui m'introduit là-dedans. Parce que je vais le dire. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Je vais aller. Verset 9. Pour que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour vous, non, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est la promesse qui va nous introduire là-dedans. Écoutez très attentivement. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, écoutez bien. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Vous y êtes? Amen. Et le serment, écoutez bien. C'est la définition de la Bible du serment, écoutez bien. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Soulignez. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les serments. Ah, tu veux m'épouser? Oui, oui. Donc, ça met fin maintenant. Ok, maintenant là, on est marié. Hein, frère? Continuons. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Amen. Amen. Donc Dieu nous a donné une limitation. Dieu pouvait dire à Abraham que certainement tu donnerais cette contrat avec ta postérité, je bénirai ta postérité. On dit il n'y a pas plus grand qui va jurer parce qu'on doit jurer pour quelqu'un qui est plus grand que nous. Il dit que Dieu, malgré cela, il a juré d'abord par lui-même pour montrer que je ne peux pas mentir, je le jure par moi-même. Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, on dit maintenant, il fait encore le serment. Il juge d'abord par lui, puis il fait le serment pour que ça soit deux. Le serment déjà normalement montre clairement que quelqu'un ne peut mentir dans le serment. Donc, on nous invite là à comprendre que dans le serment déjà, on ne doit pas mentir. On dit des deux choses dont il ne peut pas mentir, deux choses immuables dont il ne peut pas mentir, il ne peut pas changer. Donc quand tu dis, voici le serment, il va changer. Lorsqu'il a fait le serment avec les Juifs, avec les Israélites, il leur avait dit que vous devez respecter le clos de ce serment. Chaque fois qu'ils n'ont pas respecté le clos de ce serment, c'est pour ça qu'il avait écrit les malédictions là-dedans. Automatiquement, les malédictions venaient. Jusqu'à ce qu'ils revenaient sur les paroles de l'Alliance. Vous voyez ça, frère? Alors, concernant dans le mariage, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, sachez donc que vous devez mesurer votre bouche avant d'ouvrir à quelqu'un que je te prends pour épouse. J'aime ça. Bonne soirée. Donc, il a conclu, non, pas vrai?